بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons l'explication ou la traduction du livre, l'explication du livre Lum'at al-i'tiqad, al-hadi ila sabil al-rashad, la lumière de la foi qui guide vers le droit chemin. Un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi expliqué par al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc la semaine dernière, on avait continué à expliquer لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. C'est qu'on avait sur ce point-là qu'on avait commencé. Donc les raisons ne pouvaient pas donner d'image ou de semblant à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il raisonnait de façon approfondie, et que les cœurs ne pouvaient lui donner d'image, car Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Ensuite, on avait parlé des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a les noms les plus beaux, lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Puis on avait expliqué les versets que l'auteur avait cités de Surat Taha, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans les terres, et ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a entre eux et sous terre. Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Et Allah Azza wa Jalla connaît les paroles qui sont entendues comme celles qui sont dites à voix basse et celles qui sont d'autant plus cachées. On avait parlé également de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa miséricorde englobe toute chose, de même que sa science, que la miséricorde d'Allah azza wa jal englobe toute chose et également sa science englobe toute chose. Et on avait expliqué où Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah avait donné l'explication du terme que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle englobe? Elle englobe les musulmans, les non-musulmans, et elle englobe aussi les animaux. Comment est-ce que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe les non-musulmans? Le fait qu'ils aient, qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde et leur subsistance et leur donne ce dont ils ont besoin pour vivre. Et ceci est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis des non-musulmans. Et également, on avait parlé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis des animaux, que qu'une femelle qui a de l'attention vis-à-vis de son petit, sans que ce petit ne lui soit d'aucune utilité, mais elle le protège, le nourrit et prend soin de lui, ceci entre dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui englobe toute chose. Quant à l'au-delà, donc ceci concerne la vie d'ici-bas, quant à la vie de l'au-delà, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sera propre aux musulmans, et les non-musulmans ne pourront pas profiter de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans le monde de l'au-delà. Puis, on avait cité que les attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a les attributs qu'il s'est lui-même donné ou que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Allah Azza wa Jal s'est lui-même donné dans le Coran, et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunna authentique. Dans sa sunna authentique, et que l'on devait accepter ceci, les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, avec soumission, et de ne pas les contredire, qu'on devait accepter cela en se soumettant et en ne rejetant pas ces noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que signifie le fait d'accepter et de se soumettre? Ça signifie Naam. D'y croire. Ça signifie d'y croire. Rechercher à... Ça signifie d'y croire, c'est-à-dire de croire au terme et au sens, et sans interpréter, sans se demander le comment, sans demander comment. De croire au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal a deux mains, qu'Allah azza wa jal a un visage. On connaît la signification d'une main, on connaît la signification d'un visage, mais on ne connaît pas le comment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car rien, absolument rien, ne lui ressemble. Taïb, qui peut réciter le matin jusqu'à là où on s'est arrêté? Wa tarki ta'arud ilahu bil rabb. Al-Wata. Tafadhal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Mahmoud bi kulli lisan, al-Ma'bud fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min 'ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun 'an sya'n. جل عن الأشباه والأنداد وتنزع عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما و وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كل صراحة سغت إلى ضمت موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى وعلى لسان نبيه الكريم. ensuite وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك أحسنت وترك التعرض له بالرد. طيب donc de délaisser et de s'éloigner de tout rejet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que certains rejetaient le nom et le sens, et que certains acceptaient le nom et rejetaient le sens, et que les gens de la sunna, ceux qui sont dans le chemin droit, le chemin de la vérité, acceptent à la fois le sens et le terme. Acceptent à la fois le sens et le terme. يقول المؤلف وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Donc, et il faut délaisser tout reniement ou toute contradiction, tout rejet vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en rejetant ou bien en interprétant ou bien en faisant ressembler ou en donnant une ressemblance ou bien en donnant un semblant ou bien en donnant un semblant. At-ta'wil qui signifie l'interprétation. At-tashbih qui signifie la ressemblance. Et at-tamthil, à comparaison. At-tamthil, c'est le fait de comparer. C'est le fait de comparer. Quelle est la différence entre at-tashbih et at-tamthil? At-tashbih, c'est-à-dire se faire ressembler une partie. Ahsant. Tandis que at-tamthil, c'est comparer totalement, c'est global. Non, ahsant. At-tashbih, c'est le fait de ressembler ou de faire ressembler. Par exemple, un tel ressemble à un tel. Quand tu dis un tel ressemble à un tel, est-ce que c'est la même image? Ou est-ce qu'il y a des points communs? Il y a des points communs. C'est-à-dire qu'un tel ressemble à un tel, ils ont les mêmes yeux, ils ont le même nez, mais ils n'ont pas la même bouche. D'accord? Là, on parle de tashbih. Et at-tamthil, c'est de dire un tel est semblable à un tel. un tel est semblable à un tel. Lui, il est pareil que lui. C'est-à-dire dans tout. C'est-à-dire dans tout. Et c'est la différence entre at-tashbih et at-tamthil. Et les savants disent que le terme qu'il faut utiliser, c'est quel terme, at-tashbih ou at-tamthil? C'est at-tamthil. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, car c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah Azza wa Jalla ici a utilisé le terme tamthil et n'a pas utilisé at-tashbih. Et nous devons, le terme le plus approprié que l'on doit utiliser, c'est at-tamthil, même si le fait d'utiliser at-tashbih n'est pas interdit. يقول الشيخ الفوزان والتأويل مذهب طائفة والتشبيه مذهب طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه يشبهون صفاته بصفاتهم وأسماءه بأسمائهم هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات. التأويل الشيخ دي سي la doctrine ou le chemin qu'ont suivi certaines sectes ou qu'a suivi une secte, c'est-à-dire une secte qui est appelée Al-Mu'awila, ce sont ceux qui interprètent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent une interprétation lorsqu'ils disent lorsque Allah Azza wa Jalla dit bal yadahu mabsutatan, ses deux mains sont ouvertes, ils disent cela signifie la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas comprendre de ça qu'Allah Azza wa Jalla a deux mains, mais c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici ils ont fait une interprétation, ils ont fait un ta'wil qui est juste ou faux. Il faut, car Allah Azza wa Jal a deux mains qui sont réelles. Et il y a le tashbih, le fait de faire ressembler, qui est le chemin d'une autre secte qui, elle, atteste le terme, est d'accord sur le terme utilisé, mais également sur le sens. Mais elle fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait ressembler à Allah Azza wa Jal à ses créatures. Et ces personnes ou cette secte fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et les attributs d'Allah, ils les font ressembler à leurs attributs, et les noms d'Allah, ils les font ressembler à leurs noms. Donc ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, et que ces deux mains sont comme celles des êtres humains. Ce sont Al-Mushabbiha, qui est une secte égarée, qui ont abusé dans l'ithbat, dans le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs. Il faut donner à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs, les attributs qu'il s'est donné lui-même ou qu'il lui a donné le professeur sallam, sans les faire ressembler à ceux de ses créatures. Et eux, ils ont abusé. Pourquoi est-ce qu'ils ont abusé, ou dans quoi ils ont abusé, lorsqu'ils ont fait ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux de ses créatures. والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي. Il y a une autre secte qui, elle, est appelée Al-Mu'attila, qui, eux, nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient tout attribut. Autrement dit, ils rejettent à la fois le terme et le sens. Il rejette à la fois le terme et le sens. وكل الطائفتين خارج عن الحق وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. Et les deux sectes, à la fois ceux qui abusent dans l'attribution ou dans le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal ses noms et attributs en les faisant ressembler à ses créatures, et également ceux qui nient tout nom et attribut, les deux sont égarés. Et la vérité est avec les gens de la sunna, ceux qui attestent ou qui donnent ou qui attribuent à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est lui-même attribué ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué sans changer le sens, sans nier quoi que ce soit et sans donner de comment, sans dire le comment de ces noms, de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans les faire ressembler ou ne donner de semblant à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق وأما من خالفه من أهل التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإن أقوالهم ضلال وباطل. C'est le chemin de la vérité qu'il faut suivre et tous les autres qui ont contredit ce chemin, ceux qui nient ou ceux qui abusent dans l'attribution d'Allah Azza wa Jal de ses noms et attributs, eh bien ceux qui ne sont pas avec les gens de la sunna et de la jama'a, leurs paroles sont égarements et sont nuls. C'est clair ou pas ? يقول المؤلف وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه على قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سورة آل عمران الآيات السابعة. Puis l'auteur dit, et ceux qui portent des difficultés, وما أشكل من ذلك, ou ce qui est difficile à comprendre, ou ce qui pose des problématiques dans ceci, nous devons attester le terme et laisser le sens. Et laisser le sens, وَنَرُدُّ عِلْمَهُ عَلَىٰ قَائِلِهِ, et laisser le sens à celui qui l'a dit, وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَىٰ نَقِلِهِ, et nous faisons confiance à celui qui nous a transmis, ou la responsabilité sera sur celui qui nous a transmis l'information, اتِّبَاعًا لِتَرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ, et ceci en suivant la voie de ceux qui sont enracinés dans la science, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge dans son livre lorsqu'il a dit, ceux qui sont enracinés et ancrés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part ou tout provient de la part de notre Seigneur. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله كأنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين, قسم يظهر لنا معناه وتفسيره وهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره, والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا نفوضه إلى الله وهذا غلط, لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه. Donc Cheikh Fawzan hafidahullah dit, cette parole ou cette phrase de l'auteur n'est pas acceptée de lui, qu'Allah lui fasse miséricorde, car dans cette phrase il distingue les textes religieux qui parle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en deux. Une partie que l'on comprend et que l'on connaît l'explication, donc ces attributs nous devons y croire, nous devons croire en son sens et en son explication. Et la deuxième partie, des attributs dont nous ne connaissons pas le sens, ceci nous devons remettre le sens à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une erreur. Cheikh Fawzan dit, ceci est une erreur car l'ensemble des textes qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont tous un sens connu. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ces textes. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ces textes. Autrement dit, qu'est-ce que l'auteur a dit ? Si vous avez suivi ? Qu'il y a certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels le sens n'est pas clair, qui est problématique. Donc qu'est-ce qu'il dit de faire? On atteste du terme, on prend en compte le terme, on y croit, mais le sens, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, et en le laissant à Allah subhanahu wa ta'ala, on suit ceux qui sont ancrés dans la science, car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ceux qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent? يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. Et à Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit ceci est une erreur de l'auteur, car il divise les textes qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux, certains dont le sens est compris et d'autres dont le sens n'est pas compris, et ceux dont le sens n'est pas compris, nous devons croire au terme et le sens le laisser à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Fawzan dit cela est faux, car tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont connus et ont un sens connu chez les savants. Il n'y a pas de noms et attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont dont où le sens est ambigu. Non, tout est clair. Walhamdulillah. فليست نصوص الأسماء والصفات من المتشابه ولا تدخل في المتشابه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسماء أو الصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا وإنما أخبر الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Puis Cheikh al-Fawzan dit, il n'y a pas de texte, ni de verset, ni de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla qui sont ambigus. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et il a informé, c'est-à-dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a informé qu'il n'a pas trouvé dans les paroles des salafs ni dans les paroles des savants reconnus, il n'a pas trouvé de paroles provenant d'eux disant que dans les noms d'Allah ou dans ses attributs il y a des ambiguïtés que seul Allah connaît. Mais au contraire, tous ces textes, tous ces versets, tous ces hadiths qui parlent des noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté. Et le sens est connu, sont sans ambiguïté, et le sens est connu, et il peut être expliqué, contrairement à ce qu'a dit l'auteur. Et Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Imran, a parlé et a informé qu'il a révélé un livre qui contient des versets qui sont sans équivoque et d'autres qui sont ambigus. Allah Azza wa Jal, lorsque dans Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal dit « Huwa ladhi anzala al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna » أم الكتاب وأخر متشابهات. Qu'Allah Azza wa Jal a révélé un livre dans lequel il y a des versets qui sont sans équivoque, c'est-à-dire qui sont clairs et évidents. هن أم الكتاب, et ils sont considérés comme la base du livre. وأخر متشابهات, et d'autres versets qui sont ambigus, c'est-à-dire, on va voir par la suite que Cheikh a expliqué le terme ambigu, c'est-à-dire un sens ambigu ou un terme ambigu, c'est un terme ou un mot qui a besoin d'un autre mot pour être compris, pour être expliqué. Et al-muhkam, c'est celui qui se suffit à lui-même et qui s'explique lui-même. Donc Allah Azza wa Jalla dit hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. ceux qui ont une déviation dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les versets qui sont ambigus. Ibtira al-fitna wa ibtira al-ta'wil. Et ceci, dans quel but? Dans le but de semer la discorde. De semer la discorde et dans le but d'interpréter selon leur passion. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Et ils essaient d'interpréter des choses que seul Allah Azza wa Jal connaît le sens ou l'interprétation. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Et ceux qui sont enracinés dans la science, c'est-à-dire les savants qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent? Amanna bihi, nous croyons en tous ces versets, kullu min indi rabbina, car tous ces versets proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels versets? Ceux qui sont muhkam et ceux qui sont mutashabih, ceux qui sont sans équivoque, sans ambiguïté, et ceux qui sont avec ambiguïté. Nous prenons tout cela, car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous prenons amanna bihi, c'est-à-dire, nous y croyons en tous ces versets, c'est-à-dire que nous utilisons al-muhkam pour comprendre al-mutashabih. C'est-à-dire que nous prenons les versets qui sont sans ambiguïté et nous les utilisons pour comprendre ceux qui sont ambigus. Contrairement à ceux qui cherchent la discorde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent uniquement des versets qui sont qui comportent des ambiguïtés et sans retourner aux autres qui eux ne comportent pas d'ambiguïté. Et ceci est voulu de leur part. Le fait qu'ils ne prennent qu'une partie de ces versets est voulu car ils veulent faire le mal et semer la discorde sur terre. وما معنى المتشابهات والمحكمات. Donc Cheikh Fawzan dit quel est le sens ou quelle est la signification des ambiguïtés et de ceux qui ne sont pas ambigus. قالوا المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره الى غيره. Les savants ont dit المحكم, donc celui qui est sans équivoque, c'est celui qui est clair, qui a un sens clair et qui n'a pas besoin d'être expliqué par autre que lui. C'est un terme dont le sens est clair et évident. Et pour être compris, il n'a pas besoin d'un autre terme. Ou ce verset qui est muhkam, ce verset qui est clair et évident, son sens est connu et clair, il n'a pas besoin d'autres versets pour l'expliquer. وَأَمَّا الْمُتَشَابِهِ فَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ فِي تَفْسِيرِهِ وَبَيَانِ مَعْنَاهِ إِلَى غَيْرِهِ. Et quant au verset qui contient des ambiguïtés, c'est celui qui a besoin pour être expliqué d'un autre verset, où c'est un terme qui, pour être expliqué et connu, a besoin d'un autre terme. C'est clair ? هناك نصوص مشكلة لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها زال الإشكال واتضح الحق. Il y a donc des textes qui comportent des ambiguïtés, mais lorsque ces textes sont soumis aux autres qui sont clairs, l'ambiguïté est levée et la vérité apparaît. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل هذا هو معنى المحكم والمتشابه. Et les savants disent, et ceci, c'est pour donner un exemple, c'est comme العام et الخاص. Al-am et al-khas. Qu'est-ce que l'am et al-khas? La généralité, la généralité. Le général et le spécifique. Le général et. Enfin. Le général et le spécifique. Qu'est-ce que le général? Qu'est-ce que le général? Non, non, c'est pas un am ça. Un am par exemple, c'est inna l'insana la fi khusr. Inna l'insana la fi khusr. Ça, c'est un âme, c'est-à-dire l'être humain, tous les êtres humains. Et quand on parle de âme, c'est que le général englobe toute chose. C'est-à-dire que lorsque Allah Azzawajal dit que l'être humain est en perdition, c'est-à-dire tous les êtres humains, sans exception, sont en perdition. Ça, c'est un âme. Et il y a le khas qui vient excepter. Et le khas, par exemple, c'est إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Eux viennent et eux ne font pas partie de du général, du global, d'accord. Et Al-Khas vient et c'est celui qui soustrait une personne ou un groupe de personnes ou une chose ou un groupe de choses, d'accord. Donc ici, l'âme, c'est, dans notre exemple, c'est tous les êtres humains, et Al-Khas vient accepter ceux qui ont cru et ceux qui ont fait de bonnes œuvres. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Et ceux qui se conseillent mutuellement la vérité, et ceux qui se conseillent mutuellement l'endurance. En dehors de ces quatre catégories, tous les êtres humains sont dans la perdition. Non. Bien sûr. La ilaha, c'est général, il n'y a aucune divinité. Non. Illallah est l'exception. Non. On peut dire ça aussi. Donc ensuite, l'auteur dit Wal-mutlaq ou al-muqayyad. Al-mutlaq ou al-muqayyad. Qu'est-ce que le mutlaq? Qu'est-ce que le muqayyad? Vous allez me dire le général et le. Non. Al-mutlaq, c'est. Non. Non. Al-mutlaq, c'est. Comment dire? C'est concernant un jugement, quelque chose qui est général dans un jugement précis. Al-mutlaq et al-muqayyad. Par exemple, les savants donnent l'exemple de al-mutlaq. Par exemple, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Celui qui a fait al-zihar, qu'est-ce que est son expiation? Pour ceux qui étaient là dans les cours de talaq. فتحرير رقبة الله عز وجل دي فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى qu'il doit affranchir un esclave avant de pouvoir avoir des rapports avec son épouse. Ça c'est un mutlaq. Et il y a ce jugement qui est restreint مقيد par un autre verset فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. Alors, je vais dire concernant ceux qui ont fait le juron, quelle est leur expiation? D'affranchir un esclave croyant. Et ici, les savants disent que ce verset vient restreindre, que ce verset est muqayyad, il vient restreindre le premier qui est mutlaq. Le premier verset parle de quel type d'esclave? De tous les esclaves. Fatahiru raqabatin min qabli an yatamassa. Qu'il a franchi un esclave avant d'avoir des rapports avec elle. Hamukallah. Et le second verset parle d'une expiation, mais ici, c'est un esclave croyant qui doit être affranchi. Et ici, il y a al-mutlaq et al-muqayyad. Al-mutlaq et al-muqayyad concernant un jugement. Et qu'est-ce que on en retire comme conséquence? Que celui qui a fait dhiha, est-ce qu'il peut affranchir n'importe quel esclave ou est-ce qu'il doit affranchir un esclave musulman? Il doit affranchir un esclave musulman. Car on doit appliquer le muqayyad sur le mutlaq. Et on applique le muqayyad sur le mutlaq quand le jugement est le même. Ici, c'est une expiation. Quand le jugement est différent, ou quand le sujet est différent, on ne doit pas appliquer le mutlaq sur le muqayyad. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » Le voleur et la voleuse, coupez leurs mains. Et Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dans notre version dans sourate Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal dit: Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour votre prière, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Concernant le voleur, Allah Azza wa Jal a dit: coupez-leur les mains. Concernant al-wudu, Allah Azza wa Jal a dit: lavez-vous les mains jusqu'au coude. Est-ce qu'on a le droit? Où est le mutlaq, où est le muqayyad ici? Le mutlaq, c'est le premier. Car Allah Azza wa Jal a dit: coupez-leur les mains. Et dans le second verset, qui est muqayyad, pourquoi il est muqayyad? Car c'est les mains, de laver les mains jusqu'au coude. Est-ce qu'on a le droit d'appliquer le muqayyad sur ce mutlaq? Est-ce qu'on a le droit de dire: le voleur, lorsqu'il vole, on lui coupe la main jusqu'au coude? Pourquoi? Car ce n'est pas le même jugement. Le premier verset parle d'une sentence après un vol, et le second verset parle de l'ourdou, des ablutions. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Donc, al-mutlaq al-muqayyad s'applique lorsque le sujet est le même. والناسخ والمنسوخ, et on ne va pas rentrer dans les détails à chaque fois. Inch'Allah, on verra si on pourra faire des cours sur usul al-fiqh. Donc, والناسخ والمنسوخ, et الناسخ المنسوخ, c'est l'abrogé. Et également al-mujmal wal-mufassal, hada huwa ma'na al-muhkam wal-mutashabih. Et c'est dans cette même logique que l'on parle de muhkam, de sans équivoque et d'ambigu. Lorsque tu appliques le sans équivoque, c'est-à-dire celui qui n'y a pas de là où il n'y a pas d'ambiguïté, sur là où il y en a une, l'ambiguïté est levée. Il n'y a plus d'ambiguïté et les choses sont claires et définies. وهذا موجود في القرآن وفي السنة هناك نصوص أو أدلة مشكلة فترد أو فترد إلى النصوص الأخرى وكلام الله يفسر بعضه بعضا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. Et ceci est présent dans le Coran et dans la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Il y a des textes ou des preuves qui portent à confusion ou qui comportent des ambiguïtés et qui sont appliquées ou qui sont soumises aux autres textes qui, eux, ne sont pas ambigus. وَكَلَامُ اللَّهِ يُفَسَّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Et la parole d'Allah Azza wa Jal est expliquée ou s'explique par sa parole. وَكَلَامُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَسَّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. De même que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'expliquent entre eux. Les versets d'Allah Azza wa Jal s'expliquent entre eux. Et également, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hadiths s'expliquent entre eux. هذا معنى المحكم والمتشابه الأم هي الأصل الذي يرجع إليه. Ceci est le sens de المحكم et de المتشابه. الأم, c'est-à-dire la base ou la mère, c'est ce qui, ce sont les textes sur lesquels nous retournons. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وأخر متشابهات, et d'autres qui sont ambiguës. يُشْكَلُ مَعْنَاهَا إِذَنْ فَرَدَتْ, c'est-à-dire que son sens n'est pas compris lorsque ils sont lus de façon isolée. لَكِنْ إِذَا رُدَّتْ إِلَى النُّصُوصِ الْمُحْكَمَةِ وَضَّحَتْهَا وَبَيَّنَتْهَا فَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَرِدُونَ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ وَيُفَسِّرُونَ كَلَامَ اللَّهِ بَعْضُهُ بَعْضًا. Et les gens de science qui sont ancrés dans la science, ils soumettent les textes ambigu à ceux qui ne le sont pas et explique les paroles d'Allah Azza wa Jal entre elles. Wa yufassiruna kalam ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu ba'dha, de même qu'ils expliquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre eux, c'est-à-dire entre les hadiths, c'est-à-dire que des hadiths non ambigus ou les hadiths non ambigus expliquent ceux qui sont ambigus. Aw yufassiruna kalam Allah bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yufassiruna sunnata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bi kalamillah, de même que les gens de science expliquent le livre d'Allah par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et explique également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole d'Allah. لأنه كله من عند الله car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit, c'est-à-dire les gens de science, ولهذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Nous y croyons, tout provient de notre Seigneur, أي المحكم والمتشابه, c'est-à-dire à la fois l'ambigu et le non ambigu et l'ambigu. وأما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه للمحكم لقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة فتنة الناس عن دينهم. Quant aux personnes égarées, qu'Allah nous en préserve, ils prennent uniquement les ambigus et les prennent comme preuve et ils délaissent tous les textes qui ne sont pas ambigus et ne soumettent pas les textes ambigus à ceux qui ne le sont pas, dans un but mauvais chez eux qui est de vouloir faire la discorde, de faire la discorde et d'éloigner les gens de leur religion. ويقولون هذا كلام الله وهذا كلام الرسول فيفتنون الناس عن دينهم وإذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول ماذا تقولون فيشبهون أو فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله فيفتنونهم عن دينهم. Il dit, c'est-à-dire ces personnes égarées disent ceci est la parole d'Allah et ceci est la parole du prophète sallam et ils éloignent les gens de leur religion à travers ceci. Et il dit, ils ramènent, ils apportent aux gens des versets ambigus ou des hadiths ambigus. Et ils disent, regardez, ça c'est la parole d'Allah, ça c'est la parole de son prophète. Que dites-vous? Que répondez-vous à cela? Et ils sèment la discorde et font croire aux gens qu'ils utilisent comme preuve des paroles d'Allah et des paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dévient ainsi les gens de leur religion. Ainsi sont les gens de l'égarement, Ahlul Zayr, ils utilisent les versets ambigus dont le sens n'est pas clair et disent aux gens, voilà, ceci est un verset, c'est la parole d'Allah, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est là, il est authentique, mais le sens n'est pas clair. Tout ça pour mettre des doutes dans la tête des gens et dans le but de les égarer, wal'iyadu billah, pour, ils utilisent des versets ou des hadiths qui sont ambigus et qui peuvent être compris en la faveur de qui? Les gens. En la faveur de ces gens égarés. S'ils t'apportent des versets et des hadiths, c'est pourquoi? Pour les suivre. Par exemple, vous allez voir les gens du tablir qui vont vous dire, on a le droit de sortir 4 mois. Ah bon, quelle est la preuve? Allah Azza wa Jalla, fasihu fil ardi 14 shuhur. Allah a dit dans le Coran, fait parcourir la terre 4 mois. Qu'est-ce que vous répondez? Non, bien sûr, quand tu regardes le tafsir, ça n'a rien à voir avec établir. Et à la base, ce verset, quand est-ce qu'il a été révélé? Non. En rentrant dans les détails, on peut rentrer dans les détails du tafsir, de voir quel est le sebab nuzul et quel est le sens de ce verset. Il y aura une réponse. Mais déjà, pour leur donner une réponse, avant de rentrer dans tous ces détails, quand est-ce qu'a été révélé ce verset? Il y a combien d'années? 400 ans. Et établir, ça fait combien de temps qu'ils sont... Voilà, ça fait 100, on va dire 200 ans. Même si ça fait à peu près 120, 130 ans. Comment est-ce que ce verset peut les concerner alors qu'il n'existait pas à l'époque. D'accord? Les gens de l'égarement utilisent toujours des versets ambigus et des versets ambigus, c'est-à-dire dont le sens n'est pas clair. Et il faut d'autres versets pour en comprendre le sens. J'ai donné l'exemple de Fasihu fil ardi 14 shuhur, mais les gens de l'égarement utilisent beaucoup d'autres versets et encore plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer leur égarement et pour égarer les gens en les mettant sur le fait accompli. en faisant croire aux gens que ces personnes, bah, ils suivent le Coran et ils suivent la Sunna. D'où l'importance du troisième point qui est important en islam, c'est de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car à notre époque, toutes les sectes disent, nous suivons le Coran et la Sunna. Tous disent, nous suivons le Coran et la Sunna. Et aucune d'entre elles ne dit, nous comprenons ce Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car parmi ceux qui sont les plus ancrés dans la science, ce sont, ou même ceux qui sont les plus ancrés dans la science, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux qui connaissent les versets qui sont ambigus et ceux qui ne sont pas ambigus. Et c'est eux qui ont soumis les versets ambigus à ceux qui ne l'étaient pas pour que le sens soit connu et que la vérité soit ou apparaisse au grand jour. مثال ذلك بعض الجهال الذين يبحثون عن النصوص المتشابهة من الحديث ثم يخرجون بها على الناس يقولون استدلوا بهذا الحديث ليشوشوا على الناس أنهم ليسوا على الحق وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم أهل العلم فسروها وبينوا المراد منها لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هذه طريقة أهل الزيغ في كل زمان ومكان يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه عن بعض ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله. Et Cheikh dit, et à titre d'exemple, certains ignorants cherchent ou recherchent des hadiths qui, dont le sens est ambigu, puis les montre aux gens et leur dit, et puis les montre aux gens en utilisant ce hadith comme preuve pour mettre des doutes dans la tête des gens et leur faire croire, c'est-à-dire de faire croire à ces personnes innocentes qu'elles ne sont pas dans la vérité. Alors que ces hadiths qu'ils apportent, les savants en connaissent très bien l'explication, l'ont expliqué, ont expliqué le sens de ce hadith et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu dire par là. Mais ces personnes égarées, يقطعون هذا عن هذا, يعني séparent les hadiths ambigus des hadiths qui ne le sont pas. Et ils entrent dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Et ils coupent ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de réunir ou d'assembler. Ils séparent entre les textes ambigus et ceux qui ne le sont pas, alors que normalement on doit les regrouper pour que le sens apparaisse. Et c'est ainsi que font les gens égarés. En tout temps et en tout lieu, ils séparent la parole d'Allah, les paroles d'Allah Azza wa Jalla entre elles, et ils séparent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre eux. Ils disent, nous utilisons comme preuve la parole d'Allah et nous utilisons comme preuve la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. نقول لا لم تستدلوا بكلام الله وكلام رسوله لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لرجعتم المتشابه الى المحكم اما انكم تاخذون بطرف وتتركون الطرف الاخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا نسأل الله العافية. بشير الفوزان حفظه الله dit non, en faisant cela vous n'avez pas utilisé les paroles d'Allah ou la parole d'Allah et la parole de son prophète sallam comme des preuves. Si vous aviez effectivement pris la parole d'Allah et la parole de son prophète sallam comme des preuves, vous auriez soumis les textes ambigu à ceux qui ne sont pas ambigus, et vous n'aurez pas pris une partie et délaissant une autre. Ceci n'est pas un moyen de justification par les paroles d'Allah et par la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Sourate Ali Imran. Et quant à ceux qui ont une déviation dans leur cœur Ils suivent ce qui est ambigu de ces versets en voulant semer la discorde et en voulant l'interpréter. Et seul Allah Azza wa Jal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et Allah Azza wa Jal est celui qui connaît son interprétation. C'est ainsi que procèdent les gens égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك